Le plan pour aujourd'hui est assemblage requis. François Landry vient nous parler de politique. Mathieu nous fait sa chronique CNX. Et on reçoit Alexandre Desilets en entrevue. Tout ça, c'est tout de suite à assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, votre émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Kiwan. Et je suis Mathieu Plante. Kiwan, tu as passé une grosse fin de semaine dans le Nord, toi? Grosse, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça a été assez relax, je te dirais. J'ai vraiment été dans le Nord, effectivement, décroché complètement. Puis apparemment, il s'est passé beaucoup de choses dans mon absence. Oui, absolument. Ils n'ont pas été mangés par des ours. Mais il y a des gens qui sont morts et tu as appris ça tantôt en regardant le journal. Ben oui, c'est ça. J'ai vraiment eu aucune nouvelle de peu importe ce qui se passait dans la société. Là, pendant la fin de semaine, j'ai vraiment décroché complètement. Puis j'ai même pas. J'ai même passé la journée quand même en ville aujourd'hui. Ouais. Là, puis je suis encore dans le bois dans ma tête ou je sais pas. Mais ouais, j'ai été presque choqué là, tantôt là, en voyant la presse d'aujourd'hui. Pierre Falardeau qui est mort. Puis tu me disais aussi Nelly Arcan. Wow. Maintenant, tu es au courant, Kiwan? Ben oui, je vais essayer de me mettre à date un peu, là. T'as toute l'émission pour le faire, la presse va être là pour toi. Je vais dire, tu peux sortir le gars du bois, mais le bois ne sortira pas du gars. Exact. Ouais. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir François Landry qui va venir nous faire sa chronique politique comme à chaque lundi et mercredi. On va aussi avoir une chronique technologique CNX. Aujourd'hui, dans la chronique, on va faire le tour du net. Donc, on va tout savoir ce qui se passe sur Internet et il n'y a pas de Nelly Arcan ni de Pierre Falardeau dans mes liens. Donc, Et aussi, on va vous présenter une entrevue que tu as réalisée un petit peu plus tôt avec Alexandre Desilets qui était de passage ici pour une tournée de promotion. Il est venu, tu t'es jasé un peu avec lui. Oui, très sympathique. On va faire un gros bloc avec Alexandre Desilets tantôt, donc soyez là pour ça. Mais on va commencer en musique avec une pièce du palmarès anglophone. Oui, c'est Marching Through Your Head du groupe Zeus. Ça monte très très vite hein, dans les palmes. C'est rendu, je pense, numéro 3. En tout cas, ça monte. It's Marching Through the Top. Through the Top. Des palmarès. Vous êtes à Assemblage Requis? Au 89.1 FM. Do you feel it all the time? When she preys upon your mind, she's a fiend for love, that's all. Body shaking all the time. The way we feel that old red wine, it's a squeeze and you feel it. Living another day in someone else's fantasy. Don't die, you need to realize nothing you do is empty. Patrick Plot est l'anti-génie à Assemblage requis. Eh oui, tout à fait. C'est Patrick Plot qu'on vient d'entendre. Et puis, on pourrait retourner en musique, je pense. Ah oui, déjà, t'as rien de plus à dire que ça. T'as juste, on retourne en musique. Ben, toi, comme... raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Là. Ben, moi, je veux dire aux amis à la maison qui nous suivent à tous les jours comme ça, du lundi au jeudi de 15h à 17h, que vers les 15h20 à tous les jours, il y a la chronique CNX. C'est ce qui s'en vient tantôt. C'est dans une quinzaine de minutes. Puis moi aussi, je pourrais dire à ceux qui ont l'habitude d'écouter la télévision l'après-midi, mais qui sont pas en train de faire ça présentement parce qu'ils écoutent la radio, je peux vous dire que cette semaine, Sharon est bouleversée. Ah! Sharon est vraiment bouleversée parce qu'elle s'est rendue compte que Carter est un imposteur et qu'en réalité, il s'appelle Matt. Hein? Et peut-être que c'est Mathieu Plante. Victor, lui, porte secours à Sharon et l'emmène chez lui. Tu vois que c'est un opportuniste. Victor, là... profite de ce qui se passe à gauche puis à droite, puis lui, direct chez eux avec Sharon. Vic. Puis Matt, lui, pendant ce temps-là, il rejoint Trisha. Toujours en train de rejoindre une Trisha quelque part. Hein. Il y a tout le temps quelqu'un qui tourne autour d'une Trisha. Tout le temps. C'était le résumé des Feux de l'amour. Exactement. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Toujours tellement palpitant, ça. Ouais, j'aime ça. On va retourner en musique avec Mickey 3D. Mickey, c'est un nom américain. Ça fait Feux de l'amour aussi. Mickey... Hey Mickey, tu es avec moi Mickey? Ouais, un petit peu, mais ouais, ça pourrait, mais non, on parle ici de Mickey 3D, le groupe français. Leur album La Grande Évasion. La pièce Méfie-toi, l'escargot, c'est leur nouvel album, hein? C'est tout nouveau, c'est sorti la semaine passée, je pense. On vient de le recevoir. Exactement. On joue ça dans vos oreilles? À Assemblage requis. Au 89.1. FM. Ben ouais, c'est ça, 89.1 FM. À côté du 89, juste un petit peu à droite. C'est du 89.2. Il y en a pas, je pense que ça y va partir fin pair, par exemple. C'est selon. J'ai entendu les mots, mais j'ai perdu la voix. J'ai tout mis dans mon sac à dos, et j'ai tracé tout droit. Méfie-toi l'escargot, j'en ai connu des combats. Et quand la neige deviendra bleue, t'auras perdu tes yeux. Y'a des paroles qui tuent, des refrains qui remuent, y'a du bruit dans la rue. Je sais bien hein, qu'à la fin c'est toujours pareil. Je sais bien hein, je sais bien hein, qu'à la fin c'est toujours pas pareil. Je sais bien hein, quand je m'entraîne. J'ai pas dit aux oiseaux que tu les aimais pas. Pas réveiller les corbeaux qui n'attendaient que ça. Méfie-toi l'escargot, j'en ai perdu des combats. Mais j'ai gardé dans mon cerveau quelques traces de toi. que des paroles qui tuent, des refrains qui remuent. Il y a du bruit dans la rue. Je sais bien qu'à la fin, c'est toujours pareil. Je sais bien qu'en chemin, tu traînes. Je sais bien qu'à la fin, c'est toujours pareil. Assemblage Reiki jusqu'à 17h. We'll be right back. La voix du chanteur de Wolf Parade que vous avez entendu ici, même plutôt dans le groupe Sunset Rubdown, parce que c'est le même chanteur. Bref, avec la pièce Idiot Heart. Super. Hey, est-ce que ce serait le temps, là, par hasard, Mathieu, pour toi, de nous faire ta chronique? C'est NX? Et aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, ben on parle de ce qui s'est passé cette semaine sur Internet, Kiwan. C'est toi qui n'étais pas très au courant des nouvelles. Généralement, je suis pas si au courant de. Je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe sur Internet, mais cette semaine particulièrement pas, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est pas que je sois absent là, pour les trois prochaines minutes. Ben non, je vais te renseigner, je vais te mettre au courant, sauf que ça va être seulement tu vas être au courant des nouvelles qui ont comme pas rapport et qui sont vraiment inutiles à savoir. Mais qui t'intéressent. Mais qui m'intéressent. Okay. Parce que c'est du Internet qu'on fait aujourd'hui. Premièrement, est-ce que t'as des parents? Oui. Question oui. Touchée un peu, là. Hein? Ouais. Ouais, bon. En partie. Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Non. Non. Bon, ben peut-être qu'ils le seront un jour et dans ce cas-là, tu vas pouvoir aller rigoler sur le site myparentsjoinedfacebook.com. Le site s'appelle Oh crap, my parents joined Facebook. Donc, oh merde, mes parents sont maintenant sur Facebook. Donc, vos parents ont enfin fait un compte et vous avez fini par accepter leur demande pour être leur ami, que ce soit votre mère, votre père, votre tante Francine, je sais pas quoi. Bref, vous pouvez envoyer vos statuts ou les statuts de vos parents ou de vos amis comme ça, tu sais, de votre famille, avec leur truc bizarre là, dans les commentaires. Tu sais, les parents sont tout le temps là en train de dire, je sais pas, tu sais, ah, j'ai mangé de la salade de patates, puis là, ben, j'ai mal au ventre. Ou l'autre dit, ah, je suis tellement tanné de faire pipi pendant que j'éternue. Maudite vessie. C'est un statut vraiment sur le site, là. Oh, MyParentsJoyFacebook.com. Très, très drôle. C'est quelques personnes qui s'occupent de ça, Jean et Erica, qui disent aimer beaucoup leurs parents, mais qui leur font honte en postant plein de messages ridicules comme ça sur le site. C'est vraiment le fun. MyParentsJoyFacebook.com. Le lien va être sur assemblagerequis.com pour ceux qui le cherchent de toute façon. Ensuite, tiens, Part of the Problem, c'est le nom du prochain site à l'adresse partproblem.tumblr.com. C'est un site qui rassemble des photos de gens qui sourient. Tu sais, sur les sites de n'importe quelle compagnie, on voit tout le temps des gens en train de sourire avec leur portable, tu sais. C'est le principe du site, juste des photos de filles ou d'enfants ou de gars en train de sourire avec un portable comme on voit sur les sites. Faut que tu sois avec un portable, absolument. Oui, c'est ça. Okay. Portable et personne, c'est le combo parfait pour le site Part of the Problem. Et c'est littéralement juste un bloc de photos, il n'y a rien de plus à dire que ça. Rien de plus. Donc, il pourrait avoir plusieurs séries à ça, là. Quelqu'un qui sourit avec une chèvre ou plein oui. de choses. Ça serait vraiment très geek, ça, des chèvres. Tiens, sinon, dans le même créneau, headsethotties.com, leur slogan, comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est des photos, encore une fois, de sites de fournisseurs ou d'hébergement de sites Internet. Tout le temps, des filles ou des gars avec un écouteur, un casque sur la tête avec un petit écouteur. On voit, c'est le cliché parfait de tous les sites internet de compagnies de n'importe quoi. Ils ont tout le temps une fille avec un beau petit micro. Eh bien, ils sont mis en vedette sur le site headsethotties.com. Est-ce qu'on peut les évaluer, faire un top 5, quelque chose? Oui. Hein? Oui. Oui, sauf qu'ils te demandent de voir est-ce qu'elles ont l'air d'être de t'aider. C'est perceived helpfulness parce qu'on les cote sur quelque chose qui importe vraiment, tu sais, parce qu'ils sont là pour vous aider. Il y a des critères quand même. Des critères. Donc est-ce que ça est-ce que ça a l'air d'aider? C'est pas mal la question que ça vous demande sur headsethotties.com. Le prochain, c'est theoldrobots.com. C'est le nom The Old Robots Website. On vous montre des photos de robots, soit éducatifs, des années 80, 90, divisés en catégories par compagnie. On vous montre tout ça en photo. Vous pouvez cliquer dessus. Et quand on clique dessus, on a plein d'autres photos ou des renseignements ou des sites web qui en parlent plus en détail. Ils ont même une chaîne sur youtube.com/oldrobots qui montre des robots en vidéo. C'est juste un site de robots. C'est bien. Hein? Ça passe le temps. TheOldRobots.com. Ça prend aussi, ça prenait une nouvelle de robots là, dans ta chronique. Donc. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est fait. C'est manquant un peu les nouvelles de robots. Hein? Ben, je pense qu'il doit y avoir des quotas pour ça là, au CRTC. Maximum 30% de, par semaine de nouvelles de robots. De contenu de robots, OK. C'est ça. Mais il y a un minimum sûrement aussi. Là, sûrement. le prochain, c'est fuckyeah4chan.tumblr.com. Tu connais peut-être pas 4chan, mais si tu connais la plupart des mods sur Internet, je sais que tu les connais pas tant que ça non plus. Là. La mode, à quoi? des blagues, des running gags, des blagues à la course, comme je les appelle. Sur Internet, il y en a beaucoup et la plupart partent du forum 4chan. Donc ici, sur fuckyeah4chan, on vous montre toutes ces blagues à la course-là à l'avance, avant qu'ils soient vraiment rendus populaires. T'sais. C'est comme t'es à l'avant-garde des blagues sur Internet. Là. Les Ceiling 4, les chocs tombent du ciel, là, tu vas être au courant avant même que ça sorte. Hein? Tu veux vraiment être au courant. Donc là, après ça, il va falloir contrer l'avant-vague et puis là, partir une autre vague avant. Ouais. Celle-là, ça ne plaira plus. Là. Ben, c'est un peu la mission de C'est fou d'être à l'avant-garde, ouais. Des cossins partout. T'sais. On est vraiment là pour ça, nous autres. Par exemple, sur la page d'accueil de fuckyeah4chan.tumblr.com, on retrouve le 404 Fire Truck, qui est un camion de pompiers avec un message, le numéro 404. Comme dans 404, c'est une erreur sur le web. Quand tu ne trouves pas une page web, c'est une erreur 404. Donc, feu non trouvé. Ça peint? C'est une mode en ce moment. L'autre, c'est un policier qui arrête quelqu'un sur sa voiture à la personne. Pas au policier, mais à la personne. C'est écrit « Cops suck fat dicks ». Là, je traduirai pas en français. Mais mettons que c'était pas la meilleure affaire à écrire sur ton char. Peut-être pas. Bref, il y en a plein comme ça. Ça n'arrête plus. Là. Ça n'arrête jamais sur fuckyeah4chan.tumblr.com. Ensuite, tiens, ça, tu vas pouvoir participer à ça un peu. Hein? Tu dois décider si c'est une steakhouse. Tu sais c'est quoi un steakhouse? Là? Ouais. Bon, une place où ils servent du steak. Bon. Ou un bar gay, tu sais c'est quoi? Ouais. D'accord. Une petite idée. CC Slaughters, est-ce que c'est un steakhouse ou un bar gay? CC Slaughters. Je dirais un bar gay. Un bar gay, d'accord. Oui, c'est bien un bar gay dans l'Oregon. Ah. Hobos. Vagabond, Ouais, je veux dire un steakhouse. D'accord. Non, c'est un bar gay aussi en Oregon. Il y en a beaucoup. The Oak Room. La chambre d'un type d'arbre. Je sais pas c'est quoi, un oak, un chêne. The Oak Room. Ça, je dirais un steakhouse. Steakhouse. C'est bien un steakhouse dans le Massachusetts. Et un dernier, Safari Bar and Grill. Ça, tu vois, là, tu sais, on peut être induit en erreur ici. On pourrait croire que c'est un steakhouse, mais j'aimerais que ça soit un bar gay. On va s'essayer. Oui, c'est au Colorado. Ah, bravo. Vous pouvez vous-même vous taper plein de choses et ça va vous donner votre pourcentage. Jusqu'à maintenant, tu avais 60%, 3 sur 5. Mais à la limite, est-ce que ça pourrait être un steakhouse gay? Est-ce que ça existe? Ah, tu vois. Peut-être. Là, c'est dur à dire. Ouais. Continuons avec Barack Obama. Est-ce que tu connais Barack Obama? Brièvement. Président des États-Unis. Ouais. D'accord. Apparemment qu'il utilise toujours le même sourire dans chacune de ses photos. Donc, quelqu'un a compilé 130 photos d'Obama qui pose avec des dignitaires lors de différentes rencontres des Nations Unies. Regardez la vidéo. La vidéo a été centrée sur sa face. Ça dure 22 secondes et on voit 130 photos où il a exactement le même sourire. C'est juste drôle. Donc, sa bouche bouge pas, c'est ça? Puis le reste bouge un peu? Exactement. Wow. T'as tout compris? Wow. Et je vais vous laisser sur le site assemblagerequis.com une compilation de différents sites web de gens en train de dormir à différents endroits. Par exemple, c'est tous des blogs individuellement. Donc, chacun a son blog. Asleep on the Subway, des photos de gens endormis dans le métro. Des photos de gens qui dorment dans l'avion, c'est People Sleeping on Planes. People Sleeping on Trains, ça, c'est un groupe Facebook. People Sleeping at Work. Il y en a plein d'autres comme ça. Donc, c'est des compilations de différents sites ou de différents blogs de photos. C'est super. Voilà. C'est tout. Ben, merci. Mais ça fait plaisir. Donc, on peut tout aller consulter ça sur assemblagerequis.com. Et vous pouvez aussi écouter l'émission où on compresse toutes les chroniques en un seul fichier. Les lundis à 10h, ça s'appelle CNX.zip. Et on se retrouve demain à 15h20 pour une autre chronique CNX. En attendant, on va retourner en musique avec un groupe que j'ai découvert cet été au Festival Oceaga. C'était leur premier spectacle qu'ils faisaient, puis ils ont sorti leur premier album la semaine dernière. Le groupe s'appelle Silver Starling, l'album aussi. Et on va écouter la pièce Closer. C'était Assemblage Requis. Au 89.1 FM. C'est fou. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. Que je te détaille, dans le creux de la vague on déraille. Si de l'enfance âge qu'on était ne reste qu'un doux reflet atténué, c'est toujours bon à prendre, ça soulagera nos cendres. Si chaque jour un peu plus on s'imagine pouvoir faire mieux, si c'est un leurre et que je me désole de notre torpeur, de nos aveux, si notre erreur maintenant sonne creux, que nos faiblesses deviennent prouesses, c'est sûrement mieux comme ça, ça nous libère d'un poids. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès, un instant sans soucier, sans soucier de ce qui pouvait doucement nous arriver. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. C'est pas pour rien si je le dis, ébloui par la vie, encore aujourd'hui je m'agrippe à tes tripes, tel le tic à sa cloque et le hip à son hop, toujours au milieu de rien, qui m'empêchait pourtant de pouvoir juste un instant te regarder, te regarder. Si par mes gardes on dilapide nos phrases faciles derrière un fil, si on s'oublie encore une fois, c'est bien futile et trop facile. Si entre deux on s'imagine une terre bénigne et moins hostile, on en frissonne des mois, on en tremble déjà. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès, un instant sans soucier, sans soucier de ce qui pouvait doucement nous arriver. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. Ludopine et qu'est-ce qu'on s'en foutait, c'est dans le palmarès francophone de C'est fou et c'est à Assemblage requis. Oui, Ludopine qui va être en spectacle à Shawinigan le 3 octobre prochain. C'est en première partie de Ariane Moffat, mais aussi, apparemment, il aime beaucoup la Mauricie, Ludopine, parce qu'on sait qu'il vient de Paris, en France, mais il est déjà venu cet été faire un spectacle dans le coin ici. C'était à l'amphithéâtre à Saint-Mathieu-du-Parc. Et il va être aussi samedi le 10 octobre, donc dans deux semaines, les deux prochains samedis, dans le fond, il revient à Shawinigan pour un spectacle dans le cadre du Oktoberfest à la brasserie artisanale Le Trou du Diable à Shawinigan. Belle place, en plus. Oui, très belle place. C'est très bonne place pour boire du bière. Du bière. En plus, pendant l'Oktoberfest, ça risque de brasser pas mal. Il va y avoir, entre autres, avec Ludopine, cette soirée-là, le groupe mauricien Kamanja. Cool. Est-ce qu'il y a des saucisses? Ben, j'espère qu'il va y avoir de la choucroute puis des saucisses. Miam, miam, miam. Donc, Ludopine, voilà. Plus tard dans l'émission, il va y avoir François Landry pour parler de politique. Oui, et aussi, on va vous présenter l'entrevue que tu as réalisée, Mathieu, avec Alexandre Desilets. C'est dans une vingtaine de minutes, ça, mais avant ça, on s'en va entendre un groupe qui est déjà passé par le palmarès de C'est fou, The Bird and the Bee, avec la pièce Again and Again, si c'est dans le palmarès, mais celle-là qu'on va entendre n'est pas Again and Again, c'est plutôt I'm a Broken Heart. Donc, on l'écoute tout de suite. À Assemblage Rocky. Au 89.1 FM. Ben ouais. Cry as much as I want to eat. I know I can't have you. I wipe my tears away, away. Try, try, try, try. Wish, wish for the summer wand to pull over under. I wipe my tears away. Best at happiness. Je ferai de la pop. Et Penelope de Chinatown, c'est tout nouveau dans le palmarès francophone de CFU. Oui, c'est nouveau, mais en fait, c'est pas vraiment une si nouvelle pièce. Là. C'est sur l'album, sur le dernier album de Chinatown, mais ça se retrouvait aussi sur leur EP de 4 pièces là, qui date de quelques années déjà. Et c'est la nouvelle entrée cette semaine dans les palmarès. Ils la remettent sur leur nouveau CD parce que c'est un CD plus grand public, donc ils veulent la faire connaître sans avoir à écrire de nouvelles pièces. Non? Ben voilà, c'est la récupération, c'est écologique en fait. Mais c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui a leur démo ou leur précédente... Ouais, c'est ça, mais moi j'aime ça quand justement il y a des pièces comme ça qu'on retrouve sur qui passent du démo à l'album principal, mais ce que j'aime... plus encore, c'est quand il y a des pièces qui disparaissent comme ça, des pièces qui étaient sur le démo puis qu'on retrouve plus jamais nulle part après, ça devient des petites pièces rares, des petits bijoux. Des perles. Ouais, j'aime bien ça. Là, après ça, tu te sens un petit peu plus privilégié, tu te sens intime. Comme si tu les connaissais. C'est ça. Oh, c'est cute ça, K-1, par exemple. Ouais. Tantôt, on va avoir l'entrevue avec Alexandre Desilets, ça s'en vient dans quelques c'est minutes. C'est bientôt, ça. Mais avant ça, on s'en va entendre Éléphantine. Tout de suite, même. Voici une clope, un café. Assemblage requis. C'est le même. Vous êtes assemblage requis, ben oui. Ben oui. I hang my clothes. Chad Van Garlen avec la pièce Willow Tree qu'on vient d'entendre. C'est une pièce qui était sur les palmarès et qui a beaucoup joué ici à C'est Fou, mais c'est aussi un excellent album, Soft Airplane, cet album de Chad Van Garlen. Et puis, si vous le connaissez, l'album, si vous l'avez aimé ou juste si vous avez aimé cette pièce-là qu'on entend souvent à C'est Fou, vous pouvez aller faire un tour sur le www.softairplane.com. C'est le site officiel de Chad Van Garlen. Et vous allez pouvoir télécharger gratuitement un nouveau EP qui est disponible depuis pas longtemps, je pense. C'est des B-sides de l'album Soft Airplane. Ah, très bonne idée. Et je suis content qu'il n'ait pas choisi chadvangalen.com comme adresse. Hein. Ça a été difficile à trouver. Ah oui? Tu trouves pas ça dur à écrire? Hein? Ouais, un petit peu. Il y a deux A, hein, donc je ouais. C'est ça qui est mélangeant des fois, mais bon. Bref, softairplane.com pour des nouvelles pièces de Chad Van Garlen. Absolument. Et tant qu'à être sur Internet, Kiwan, aussi bien visiter l'assemblagerequis.com parce que là-dessus, il y a un nouvel article que tu viens tout juste de poster sur le blog. Ben, pourquoi pas faire ça? Donc, allez-y, ça s'appelle « Mon rencard raté avec Marcy » ou « Une montagne de frustration ». Exactement. Ça veut dire quoi? Ben, allez voir sur le blog. Ben oui. Assemblagerequis.com. On s'en va entendre de Fade Out. Avec la pièce « After All ». Restez là parce que dans quelques minutes, hein, c'est dans pas long, Alexandre Desilets. Oui, tantôt. Avant ça, The Fade Out. Fait que je fade ici et je pèse. C'est naturel, hein? The Fade Out. Ben, assemblage requis, on a mis les morceaux dans le bon ordre. formation de Fade Out et la pièce After All à Assemblage Requis. C'est la fin de la première heure. Restez parce qu'il y en a une deuxième avec plein de choses à l'intérieur. Oui, entre autres, François Landry et dans quelques minutes, là, une entrevue avec Alexandre Desilets. Mais avant, on se passe quelques petits messages et on revient après. On se les passe. Ouais, ben, passe-toi, pas trop intense non plus. C'est fou, 89.1. Le bon musique en tout temps! Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces attachées avec Kiwan La Liberté et Mathieu Plante. Et dans cette deuxième heure de l'émission, il va y en avoir beaucoup des choses. Beaucoup, parce qu'on va recevoir François Landry pour parler de politique dans quelques minutes. Mais avant ça, il va y avoir encore d'autres choses. Hein? Ben oui, on en parle depuis tantôt, on n'arrête pas de vous le promettre. Donc, c'est une entrevue que tu as réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Alexandre Desilets, qui était de passage pour une tournée de promotion. Et on va commencer ça avec une pièce d'Alexandre. Hein? Ouais, voici Mission Apollo, et puis après ça, l'entrevue avec lui. Restez là. Yeah. Desilet, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Tu fais de la musique depuis vraiment très longtemps. Parle-moi un peu de ton parcours musical pour commencer. Au début, c'est pas mal autodidacte. J'ai appris à chanter assez jeune, j'avais 4-5 ans. Puis j'ai fait un peu les chorales jeunes, puis dans l'adolescence. Je travaillais pas mal seul, puis je pensais pas faire ça comme métier. C'est ça, puis moi c'est ça, j'ai fait les sciences, j'ai étudié à l'Université Laval en agriculture, puis j'ai décidé à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, j'ai décidé d'aller étudier en musique, donc j'ai fait un pas à Montréal, puis j'ai fait un an de théorie, puis de chant jazz un peu, puis surtout d'électroacoustique. Donc je me suis retrouvé dans un studio où je me suis mis à bidouiller puis explorer, puis vu que j'étais vocaliste, puis je me spécialisais dans la voix comme ça, mais je me suis mis à patenter, bidouiller avec la voix, faire des trucs, des effets, puis c'était le début des ordinateurs justement, ou avec les logiciels, tout ça, qui nous permettaient de faire des trucs pas mal plus élaborés puis plus complexes avec les plugins, tout ça. Donc je me suis vraiment mis à explorer la voix. Ce qui fait que par la suite, c'est pour ça que premier projet que j'ai jamais vu le jour, c'était vraiment ça, le but, c'était de faire de la musique seulement avec la voix. Donc je patentais la voix, je bidouillais la voix pour recréer tous les instruments comme la bass, les drums, tout ça, avec un peu de perfo, puis passant la voix à travers des trucs des amplis de guitare pour que ça sonne un peu comme une guitare électrique, la distorsion, tout ça. Je faisais du beatbox, des trucs de même. Puis ensuite, c'est ça, je me suis mis à écrire j'ai passé par les concours, Petite Vallée, Granby, tout ça, puis je me suis mis à écrire en français, puis je travaille en français depuis ce temps-là. Mais t'es pas tout seul dans ton projet, dans ce que tu fais maintenant avec ton album, t'es bien accompagné, est-ce que tu peux me parler de ton groupe un peu? Pour l'album, d'abord, j'ai été très chanceux, j'ai eu la chance de travailler avec Jean Massicotte, entre autres, qui lui a fait dans le passé Lassa, fait la réalisation d'albums pour Lassa. Il a déjà travaillé avec Patrick Watson, il a travaillé avec Pierre Lapointe, pardon, méchant lapsus. Bon, Pierre Lapointe, puis et bien d'autres. Puis mais c'est ça. Donc pour l'album, j'ai travaillé avec Jean Massicotte et j'ai travaillé aussi avec Serge Nakauchi Pelletier, qui est de la formation Power Up First. Qui est un groupe de musique underground à Montréal. Puis il y avait des couleurs que je trouvais super intéressante dans ce qu'il fait, puis qui ressemblait à l'univers, à mon univers, où j'avais envie d'amener l'album. Donc j'ai collaboré justement avec Serge Nakauchi Pelletier, puis Jean Massicotte nous a aidé avec les arrangements, puis avec la réalisation. Maintenant je suis entouré encore de très bons musiciens qui m'épaulent, puis qui sont avec moi pour la scène. Ils sont avec moi depuis 3-4 ans déjà. Entre autres Daniel Baillargeon, puis Jérôme Hébert. Puis c'est des musiciens qui collabore avec d'autres, entre autres Daniel Baillargeon collabore avec est dans une formation qui s'appelle Charcutte, qui est un autre band underground, c'est jazz alternatif dans l'underground montréalais. Donc j'ai la chance de toujours pouvoir m'entourer de très bons musiciens qui me permettent d'avoir une couleur vraiment de rock alternatif d'avant-garde, tu sais, assez moderne, tu sais, qui peuvent s'apparenter à des trucs qui se font qui viennent de l'Angleterre. Très rock underground britannique. Est-ce qu'à la Délivresse, c'était ton premier album qui est sorti il y a 2 ans? Comment est-ce que tu décrirais ton style de musique sur l'album? C'est un rock planant, un rock alternatif. Je m'inspire beaucoup du rock anglais. Puis maintenant, il y a beaucoup de ce rock-là qui se fait à Montréal. Je pense entre autres à Plants and Animals ou à Patrick Watson ou même Carquois dans le francophone, Malajub. Donc c'est pas mal ça, tu sais, si on pense plus planétaire, peut-être Radiohead, Coldplay, là c'est ceux qui se démarquent le plus, là, mais disons que c'est pas mes premières influences, mais pour faciliter la comparaison, là, disons à peu près ça, là. Ouais, justement, les critiques qui disent que t'es le Radiohead québécois, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu trouves que la barre est haute, ou tu prends pas trop ça au sérieux, ou qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai pas le choix de le voir comme un compliment, tu sais, mais je pense qu'on me compare surtout à cause de la voix du chanteur Tom York, puis parce que moi je me spécialise dans la voix. Pour moi c'est complètement différent, c'est deux univers distincts, mais je comprends que la comparaison se fasse. Au Québec, on a beaucoup de voix rauques, je pense à, je sais pas, Boom Desjardins ou Garou, Éric Lapointe, puis c'est évident que moi, si je chante en voix de fausset, qu'on dit, en voix de tête, là, en falsetto, c'est normal que tu sais qu'on me compare automatiquement aux seules voix qu'on connaît de ce genre-là, là, qui est comme du Sigur Rós ou du Radiohead. Mais Radiohead, c'est un band, puis moi, je suis un auteur, compositeur, interprète qui travaille en français, mais je trouve que c'est quand même flatteur. Est-ce que tu as du nouveau matériel qui s'en vient? Tu travailles sur quoi ces temps-ci? Ben là, je fais de la musique de film pour un film, une comédie qui comme je veux pas, j'ai pas le droit d'en parler tout de suite, mais ça va être une grosse comédie qui va sortir l'été prochain. Fait que je collabore sur ça. Je suis en préparatif pour le prochain album, donc en pleine composition. Puis il y a déjà du matériel, évidemment. Il y a des chansons inédites qu'on commence déjà à tester sur scène. Donc c'est pas mal ça qui se passe dans ma vie en ce moment. C'est de la grosse création. Par une nouvelle chose, c'est une nouvelle pièce qu'on va entendre tantôt, Où vent nous mène. Peux-tu nous en parler un peu de quoi ça parle, cette pièce-là? Où vent nous mène, tu sais, en ce moment, je vis quelque chose qui est bien le fun. Quand les choses se mettent à décoller, quand t'es un artiste, c'est le fun parce que bon, t'as de l'argent qui rentre, tu fais plus de spectacles, tu voyages beaucoup au Québec, tu rencontres beaucoup de gens. Puis ma vie est un peu comme ça, tumultueuse, c'est très dynamique en ce moment. Donc j'ai voulu. Le trip que je me suis fait un peu dans la dernière année, c'était justement d'essayer de sortir des tunes qui reflètent un peu ça, qui parlent un peu de ça, puis qui sont moins mélancoliques. Puis j'en ai beaucoup ça de pièces mélancoliques. Puis j'avais envie de voir si je suis pas capable justement d'écrire des trucs qui sont un petit peu plus entre guillemets happy, joyeuses, des trucs un peu plus condensés. Habituellement, on a des structures très ouvertes. Même en spectacle, on se permet d'improviser puis d'ouvrir les structures encore plus puis de faire étirer les chansons. Là, j'avais besoin, et pour mon spectacle et pour peut-être la réédition de l'album qui s'en vient bientôt, et pour éventuellement des chansons à la radio, on avait besoin de trucs plus condensés, plus radiophoniques, donc plus couplet-refrain, des trucs plus intenses puis plus ponctués. Puis c'était un peu l'exercice des différentes pièces que j'ai composées dernièrement, entre autres Où vent nous mène, qu'on va entendre à l'instant, ou bientôt. Je ressors les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre, pour apaiser les tourments qui rentrent. Et que je sois au bout de ta clémence, je saurais aller à ta rencontre, chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence au-delà des mots qu'on veut entendre. J'attendrai que les portes s'ouvrent, qu'ensemble on se découvre en plein coup d'éclat. On oubliera les jours de paix. Les jours de peine, ne pensant plus. Alexandre Desilets et la pièce « Où vent nous mène ». C'est une nouveauté et ça, ben, c'était juste la première partie de l'entrevue. Hein. Wow, c'est cool, on a eu une primeur dans cette entrevue-là, c'est génial. Absolument génial. Tantôt la deuxième partie de l'entrevue avec Alexandre Desilets, mais avant ça, on accueille notre ami François Landry pour sa chronique politique. Wow, j'aime ça. Rien. Hein? Ça fait très radio canadien. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour. C'est solennel. C'est ouais, là, écoute, je suis aux anges, là. Levez-vous tous debout pour François Landry. Il manque juste le haut Canada, puis on est en business. Ah, c'était un autre de mes choix, mais je me suis dit que t'aimerais peut-être. Ah, c'est bien de se retenir un peu, Mathieu. Merci beaucoup. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, deux petites brèves, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualités politiques. On sait, bon, la rentrée parlementaire est faite. Mais si on fouille, ben, même pas besoin de fouiller, l'actualité nous rattrape même. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui n'ont pas écouté les nouvelles aujourd'hui, M. Denis Coderre, tout le monde le connaît, le lieutenant politique de Michael Miassiev au Québec, a démissionné. Il a démissionné de son poste. De son poste de lieutenant-gouverneur, oui. De lieutenant politique du Québec. Mais pas de député, là. Non, il demeure toujours député de Bourassa, et puis il va sûrement se présenter aux prochaines élections. C'est juste qu'avec la controverse qu'il y avait eu par rapport au candidat Cochon, dans... Lapsus, hein? Lapsus, dans Outremont. Et puis, c'était deux clans, le clan torontois, le clan montréalais, et c'est le clan torontois qui a gagné. Donc, le clan Ignatieff, le clan Martin Cochon. Tandis que le clan montréalais, qui était plus pour Denis Coderre, s'est fait très brouiller en fin de semaine dernière par le chef Michael Ignatieff. Donc, ayant perdu sa confiance au chef, a préféré démissionner pour le plus grand bien du parti, peut-être. Donc là, le poste est maintenant ouvert. Et qui va succéder à M. Coderre? Qui sont les prospects? Je miserai un 2 sur Pablo Rodriguez. C'est celui qui a la belle crinière à la Chambre des communes. Qui est porte-parole de l'environnement, je crois. Je crois qu'il porte le dossier de l'environnement et de plusieurs autres dossiers. Là. Mais c'est la deuxième figure la plus emblématique du Parti libéral au Québec. Au Québec, oui. Donc, je mettrai un petit 2 sur Pablo Rodriguez. Donc, c'est à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est le NPD et le Parti conservateur qui sont morts de rire. L'organisateur en chef du PLC Québec démissionne. Donc, le PLC Québec est dans un marasme. Puis justement, la province de Québec, c'est là où il y a le plus de mouvements qui peut se faire. Et s'il y avait une élection au fédéral, voilà, c'est là que ça bougerait beaucoup. Voilà. Donc, il y aurait peut-être eu une dizaine de comtés de plus à aller chercher pour au moins tenter de mettre une fois de plus le gouvernement conservateur en minorité ou aller chercher une faible majorité. C'était au Québec et dans le nord de l'Ontario que ça se serait joué, mais oubliez ça pour le Québec, le PLC n'aura pas le temps de se reconstruire sous de nouvelles bases et sous une nouvelle gouverne. Donc, ça regarde mal le côté libéral au Canada. Mais côté libéral provincial, ça va bien, ça va bien. Écoute, ils ont eu leur congrès général en fin de semaine. Congrès général, c'est à peu près une fois par année, 2-3 ans. Tout dépendamment, il n'y a pas de calendrier fixe. Et puis, c'est le temps des délégués, donc provenant de chaque association de comté, d'aller se rencontrer, de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Les jeunes libéraux qui sont très actifs dans le Parti libéral du Québec détiennent le tiers des voix. Donc, dès que les jeunes parlent, les vieux écoutent. Et c'est ce qui s'est fait remarquer en fin de semaine. Les jeunes, j'avais rencontré Julien Gagnon, le président de la commission jeunesse, étudiant au HEC à Montréal, qui a fait le tour du monde, qui a une tête, le gars, très intelligent, très impliqué, très politicien, a monté aux barricades et il s'est fait écouter, mais il s'est fait rebrouer par le chef lui aussi. Donc on voit que dans les deux partis libéraux, Québec fédéral, ils se font rebrouer, mais au Québec, il faudrait minimiser les paroles. C'est plutôt, c'est fait refroidir les ardeurs. OK. Parce que les jeunes libéraux et les autres délégués, 400 au total, ont voté une hausse massive des tarifs des services publics au Québec. On en discutait, la dette du Québec, le déficit va être de 12 milliards d'ici 4 ans. Ça prend quelque chose pour amener de l'argent au coffre de l'État. Les jeunes ainsi que les autres délégués ont demandé à ce que toutes les autoroutes du Québec soient payantes. Donc, que tu voyages de Québec à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, Gatineau, tu payes. À chaque 100 km, pardon, tu payes entre 2 et 4 $. OK. Donc, on s'entend, faire Québec-Montréal, tu payes une dizaine de pièces. Plus le gaz. Plus le gaz. Le sac de chips puis la liqueur. Exactement. Plus la RPP obligatoire je suis béni, puis tout ça. Donc, c'est une grosse réforme qui demande. C'est une grosse réforme, mais ça n'a pas passé. Seulement Montréal a passé. Donc, dès qu'on va mettre les pieds sur l'île de Montréal, il va falloir payer. Comment? Il devrait juste augmenter le prix de la poutine chez Benny. Ah, peut-être. Ça serait une belle taxe déguisée, ça. Ouais. Ça serait... Mais on va revenir là-dessus sur la taxe à la poutine, parce que c'est aussi dans les projets de... du Parti libéral. La malbouffe, c'est vrai. La malbouffe, oui. Donc, dès qu'on rentre... C'est pas encore fait, là. Ben, dès qu'on va rentrer à Montréal prochainement, notre plaque va être scannée par des caméras numériques comme on voit pour les infractions routières. C'est de la haute technologie. Et puis, ça va nous être envoyé par la poste. Vous avez été à Montréal telle date à telle heure, là, 5 piastres. Maison. Ça va être l'état policier à son meilleur pour l'île de Montréal, donc ça va être vraiment un enclos montréalais. Autre chose ici... Mais faut quand même que ça passe à l'Assemblée nationale, c'est pas fait non plus. Non, c'est pas fait, puis la méthode non plus c'est pas faite, peut-être ça va être une taxe lors de l'achat du véhicule ou à chaque plein d'essence, peut-être qu'il y aura 10 cents qui vont être pris sur la taxe d'essence qui va être là, c'est pas... Donc faut pas trop s'en faire pour l'instant. Non, déjà que c'est proposé, faut commencer à s'inquiéter, mais c'est pas encore fait. Okay. Moi je trouve que c'est vraiment dur de traîner de la monnaie pour ça, parce que moi, tu sais, juste pour aller chez chercher un café, jamais de monnaie sur moi. Ouais. Tout le temps, ils te prennent pas à carte. Ouais. Mais s'ils reviennent comme une vingtaine d'années où il fallait que tu arrêtes au pont, que tu garages 25 cents dans le petit panier. Entonnoir que tu passes, imagine les bouchons de circulation qu'il va y avoir sur les ponts. Ouais. Juste ça, là. Ça va coûter encore plus cher en dioxyde de carbone que. Ouais. Donc, hausse de taxes aussi, les tarifs d'électricité domestique, et non pas industrielle, domestique seulement. Donc, nous qui sommes dans la classe moyenne pauvre, on va payer plus cher. À moins que vous démontriez que vous êtes vraiment pauvre. Là, il y aurait une autre clause. Mais pour l'instant, ils veulent régulariser les prix, donc les mettre au niveau de la production. Présentement, un Québécois moyen paye environ 6,8 cents le kilowattheure. Donc, c'est assez non concret dans nos têtes. Mm-hmm. Mais pour le produire, ça coûte 8,5 cents avec les barrages hydroélectriques. Donc, à chaque fois qu'on produit un kilowattheure, le Québec perd 2 cents avec les Québécois. Mais avec l'éolien, c'est 10 cents que ça coûte produire. Donc, ils perdent 4 cents. Sauf qu'on s'entend qu'on vend notre électricité aux États-Unis à 15-20 cents. Mm. Donc, on récupère sur ce côté-là. Et puis, Toronto, pour faire un exemple, c'est 11 cents. Et à New York, 21 cents le kilowattheure. Donc, ils voudraient faire imiter comme les autres provinces, les autres pays, et monter ça. Mais est-ce qu'on sait combien ça coûte, par exemple, dans l'État de New York ou dans la ville de New York pour produire un kilowattheure? C'est ça. Il y a des usines nucléaires, beaucoup au charbon. L'hydroélectricité, c'est le Québec qui le vend. Donc, on voit que l'électricité à New York est très, très chère. Et au Québec, on s'est doté d'institutions comme Hydro-Québec et de gros barrages, des gros projets pour... on a des rivières, on a plus d'un... On a 1 million de lacs environ, puis on a des dizaines de milliers de rivières. Et là-dessus, des grandes centrales, on a une usine nucléaire pas loin d'ici, une au charbon qui se construit présentement sur la rive sud. On en a du potentiel hydro en électricité, l'éolien aussi qui s'en vient. Donc, est-ce que ça justifie une hausse massive des tarifs de l'hydroélectricité? Je ne sais pas encore. Là, je pose la question. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est sur la redevance sur l'eau embouteillée. Présentement, les usines s'en vont prendre l'eau des aqueducs publics de Montréal, de Repentigny, et puis nous les revendre en bouteille 4-5$. Ouais. Le litre d'eau coûte plus cher que le litre d'essence. Ouais. C'est assez inquiétant de voir ça. Surtout, regardez d'où elle est fabriquée, l'eau, d'où elle est issue. C'est à côté. Bien souvent, c'est marqué aqueduc public montréalais. C'est ridicule, c'est la même mot. Ils ouvrent le robinet, là. Ouais. Donc, c'est la ville qui paye, c'est les citoyens de Montréal qui payent pour la faire traiter, et puis on vous la revend 4$ la bouteille. Mais en même temps, il y a aussi une conscience pour chaque personne à avoir, puis c'est pas dur à régler ce problème-là. En fait, si tout le monde arrête d'en acheter l'eau en bouteille, ce sera pas long que le marché va s'occuper assez rapidement. Sauf que ça, c'est une culture qui s'est installée, c'est dur à changer. Je sais pas c'est quoi la raison que les gens continuent d'acheter de l'eau en bouteille comme ça. Il y a sûrement une raison quelque part, mais bon. Mais là, il y a une redevance. Donc, à chaque fois qu'une compagnie veut faire de l'argent en vendant de l'eau, ils vont donner de l'argent au gouvernement. Un pourcentage. Combien, on le sait pas. Un autre projet aussi de redevance, c'est sur les mines. Présentement, il y a une théorie qui dit qu'à chaque tonne ou chaque profit, il faudrait donner 12% de notre profit au gouvernement. Ça, c'est en théorie, dans les chiffres, dans les contrats. Mais dans les faits, c'est 1,5% que les compagnies redonnent au Québec. Donc, on se retrouve comme à l'ère du Plessis où une tonne de fer coûtait une cent. Donc, l'entreprise payait sa tonne une cent puis la revendait des milliers de dollars à l'étranger. Donc, il y a quelqu'un encore là qui se fait avoir... Et puis, c'est pas le gouvernement certain. Hausse de taxes sur l'alcool. Oh! Oui! Hey. Ça va être agréable. Oui, déjà qu'on peut pas en acheter après une certaine heure avec les lois. On va pouvoir le payer plus cher. Et voilà. Et aussi sur les aliments nuisant à la santé. La malbouffe. Le monde aime ça dire ce mot-là. Hein? Ah, c'est très populaire comme mot. Moi, je préfère dire une grosse poutine grosse. Là. C'est... De la scrap. Hein, c'est en bas. Mais sur les croustilles, sur les bonbons, ainsi que sur les liqueurs, soit Coca-Cola et compagnie, ou les boissons énergétiques. Donc, il y aurait une surtaxe pour compenser le système de santé. Donc, tu manges dégueulasse, on t'opère, ben paye. T'sais. Donc, c'est encore là, c'est une taxe déviée. C'est pas fou, pareil. C'est pas fou. Ouais, il y en a pour qui c'est des biens essentiels. Mais bon. Voilà. Sauf que là, tout ça est adopté, mais c'est pas encore fait. Okay. Parce que ça, c'est un congrès, donc ce sont les membres du Parti libéral qui votent ça. Il reste maintenant le gouvernement libéral à les proposer à l'Assemblée nationale et ensuite les faire adopter. Donc, ça va être un long processus. Mais Jean Charest, comme je disais, a refroidi les ardeurs des militants. Il a dit dans son discours de fermeture « Je suis chef du PLQ, mais je suis le premier ministre de tous les Québécois. » Donc, c'est une belle parole de politicien. À première vue, comme ça va être beau. Il va dire « Wow, écoutez, là, je gouverne pour tous les Québécois, pas juste pour les 400 militants. » Mais en dehors de ça, entre les lignes, on voit il va envoyer ses membres au feu. Lui va rester en arrêt comme le bon général qui demeure caché dans son bunker. Puis là, quand les gens vont être à terre, vraiment abasourdis par ça, lui va arriver avec une autre solution amoindrie, mais qui va faire tout aussi mal. Entre une bombe nucléaire puis une bombe de course, tu meurs. On s'entend là-dessus. Donc, le PLQ a lâché la bombe nucléaire. Tout le monde est aux abois. Le Parti québécois, communiqué de presse par-dessus communiqué de presse. Les fédérations étudiantes aussi. À cause de l'imposition de droits de la scolarité au cégep, qui fait pas l'unanimité, loin de là, au sein du PLQ. Et là, le gouvernement Charest va aller dans des consultations publiques pour dire aux Québécois... Nous autres, on a proposé des trucs. Proposez-nous d'autres choses, puis on va essayer de faire un mélange. Des compromis. On va voir, on est un gouvernement d'écoute. On va vraiment vous écouter, dans le fond. Donc, ça sera aux citoyens de dire, justement, si on aime ou pas ce que le parti propose. Mais encore là, ils sont majoritaires, donc ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Il l'avait fait en 2003 lors de la réingénierie de l'État. Il a dit les libéraux ont monté au front avec un programme très révolutionnaire pour le Québec. Puis Jean Charest les avait suivis, les yeux fermés. Puis on sait ce que ça donnait, grève par-dessus grève. En 2005, l'apogée du mouvement étudiant avec la coupeur dans les prêts bourses, les centrales syndicales, les partis québécois étaient aussi aux abois. Puis Charest a reculé. Il a tout à fait abandonné son programme de 2003. Là, cette fois-ci, il l'a bien compris. L'envoi au front, ses membres, lui demeure derrière pour aller chercher le milieu. Là. Il se garde un petit lousse. Là, pour... Exactement. Donc ça, c'est la manœuvre politique la plus élémentaire en sciences politiques à l'université. Le compromis. Donc, on verra dans les prochaines semaines, prochains mois. J'ai bien hâte demain à l'Assemblée nationale de voir les débats qu'il va y avoir entre Pauline Barreau et Jean Charest concernant justement cette hausse grandiloquente des tarifs à la communauté. Ça va japper. Ça va japper fort. Ouais. Merci François Landry. Ça me fait plaisir. On se retrouve mercredi. Oui. Pour une autre chronique, est-ce que tu veux t'avancer sur un sujet? Mercredi, on va être la veille du 1er octobre. Et le 1er octobre, il va rester un mois jour pour jour avant les élections municipales. Donc peut-être un petit spécial. Où en est-on à un mois des élections à Trois-Rivières et à Shawinigan? Intéressant ça. Ouais. Mercredi, 16h20. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. On retourne à la deuxième partie de l'entrevue avec Alexandre Desilets. Oui, parce que l'entrevue n'était pas terminée. Il reste une partie. Et on l'écoute tout de suite. Oui, le quatrième lauréat du Grand Prix de la relève musicale. Je vais juste la repartir au début, juste comme ça. On aimerait ça. Il a récemment été nommé le quatrième lauréat du Grand Prix de la relève musicale Archambault, mais un des faits saillants de ta carrière, c'est que tu gagnes tout le temps des concours, des prix. Comment ça t'a aidé dans ta carrière? Les concours m'ont beaucoup aidé. J'ai pas gagné nécessairement chaque concours auquel j'ai participé. Par contre, ça fait cliché ce que je vais dire, mais j'y allais pas nécessairement pour gagner. Par contre, quand je m'inscrivais à un concours, je me fixais un objectif. Je te donne un exemple. Je m'inscris à Petite-Vallée. J'ai envie de tester des nouvelles chansons avec un band qu'on m'offre. Tu sais, il y a un house band habituellement. Granby, c'était pareil. Fait que tu vas là. J'allais là dans l'objectif de tester des chansons, de tester la mise en scène, de tester des lumières. Donc, je sortais toujours gagnant de ça quand même. Puis à chaque concours, je revenais avec un petit prix. Puis là, bon, avec Granby, ben, je suis parti avec le gros lot. Granby, ça m'a donné... c'est la porte qui s'ouvre sur l'industrie. Tu te fais connaître énormément. Mes premières entrevues, c'était comme le pied dans la porte, comme on dit. Puis c'est une bonne somme en argent. Puis ça m'a permis de travailler puis de mettre mes projets en œuvre. Des choses comme de la promo, ton local de pratique, payer tes musiciens, parce qu'à un moment donné, tes musiciens ont bien beau travailler avec toi gratuitement. Quand t'es pas un band, ben puis t'as pas d'argent pour les payer, ben ils vont aller travailler ailleurs. Donc, Granby m'a permis ce genre de truc-là. Tout récemment, le prix Félix Leclerc puis le prix Archambault, ben c'est un autre genre de prix. C'est vraiment la reconnaissance. Bon, tu sais écrire, tu fais partie de l'industrie, puis on t'accepte dans l'industrie. Puis évidemment, c'est des prix en argent, mais c'est surtout la notoriété qui m'a flatté dans la reconnaissance dans ces prix-là. Ça me donne une méchante publicité. Par exemple, le prix Archambault, mais c'est québécois, donc évidemment j'ai eu une couverture que j'avais pas eu tellement dans tout ce qui est médias rattachés à québécois, les médias québécois comme genre Journal de Montréal, Journal de Québec, tout ça. Donc La Semaine, whatever. Fait que c'est vraiment cool. Tu vas être en spectacle à Trois-Rivières le 22 octobre à la salle Anaïs Alarousseau de la Maison de la Culture. C'est comment en spectacle, ça, du Alexandre Désilets? Ben, ça ressemble à l'album, puis ben c'est encore plus trippant de le faire live parce que ça nous permet de vraiment ouvrir les structures. Donc, on est en band complet. J'ai deux guitaristes avec moi, même un bassiste j'ai un bassiste qui fait de la basse électrique, mais j'ai un bassiste on a des basses qui sont faites par mon guitariste qui fait la basse avec ses pieds, là, la basse au pied, un bass pedal qu'il appelle. On a beaucoup de séquences, on a tous des loopers, des trucs qui nous permettent de rajouter des ambiances puis de mettre des choses en boucle. Moi, j'ai une coupe de machine. Donc, ça reste fidèle à ma passion pour l'exploration, l'électroacoustique, tout ça. Puis moi, je bouge énormément sur scène. Donc, c'est très, très intense. On amène les gens dans des moments de spectacle où c'est très rock intense, puis il y a beaucoup de psychédélique, de la dissonance harmonique, tout ça. Puis après ça, on va dans des trucs plus calmes, épurés, juste vraiment dépouillés, guitare-voix, un peu comme Arcade Fire va le faire ou comme Patrick Watson. Donc, je suis assez fier du spectacle. Tu sais, ça fait déjà peut-être 50 représentations, peut-être plus que ça, que je fais avec full band. Donc là, on est rendu à une étape où on le connaît bien, le spectacle, puis tout le monde est vraiment prêt, puis plus ça va, puis plus on trippe à le faire. Puis on espère que la salle va être vraiment pleine, parce que c'est vraiment un spectacle là, qui nous permet de voyager, puis psychédélique, puis nous autres, on prend notre pied, là, on a vraiment du fun sur scène. Est-ce que tu as envie d'entendre une pièce qui normalement jouerait pas à la radio, peut-être une pièce n'importe quelle que t'aimes, qui est plus longue, qui est plus relax, n'importe quoi, vas-y, lâche-toi. Une dernièrement que j'ai redécouvert, parce qu'on s'est fait des contacts au Japon, ça a l'air big là, de dire ça, là. Ouais, I'm big in Japan, comme tant moins, mais pas du tout, en fait, c'est des gens là-bas qui écrivaient des articles sur des artistes montréalais, puis on leur a proposé la tune I Cry parce que est en anglais, puis parce que ça fait très japonais selon moi. Tu sais, c'est vraiment mon côté électroacoustique qui est ressorti, les ambiances de voix qu'on entend, puis les espèces de voix un peu manga japonais qu'on entend dans le background, mais c'est des harmonies, c'est du travail que j'ai fait en studio. Puis quand j'écoute encore cette pièce-là, encore là, je sais que ça sera jamais un hit radio, mais pour moi, tu sais, j'aurais voulu que ça le soit, même si ça c'est aucunement radiophonique. Ça me fait voyager, puis ça me fait planer. Ça s'appelle I Cry. If I could hold you in, sure I would do it in one breath. All I keep is the wind of your kiss when you left. There's no way I'll remember you. No way I'll remember. pour terminer, Alexandre Desilet, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi sur Internet? Je sais que t'es pas mal partout sur le net. Ben, c'est la meilleure place, je pense. Il y a le site web alexandredesilet.com, sinon il y a les Facebook, MySpace, puis toutes ces affaires-là. Je réécris pas tout le temps, mais je vais visiter chaque jour, puis c'est là-dessus qu'on peut trouver le plus d'infos. Puis tous les projets justement que je fais, si vous voulez de l'information sur les petits projets kino, cinéma que je fais aussi, là, c'est tout sur le web, ou pour voir les vidéoclips, on trouve ça sur YouTube ou sur mon site. Merci beaucoup Alexandre Desilet. Merci à vous. Voilà, c'est l'entrevue que j'ai réalisée avec Alexandre Desilet plutôt cet après-midi dans les bureaux de C'est fou. Rappelons les dates de spectacle. Il va être à Pop Montréal en première partie d'Ariane Moffat. Ça, c'est le 4 octobre à 20h. Et puis le 16 octobre à 20h30 à la Maison de la Culture, Maisonneuve, ça c'est à Montréal. Et puis à notre Maison de la Culture le 22 octobre à 20h à Trois-Rivières. Allez voir myspace.com/alexandredesilet ou encore son site officiel qui est alexandredesilet.com. Oui. Oui. On se quitte pour quelques minutes et on revient avec plein de bonne musique. À l'assemblage Ruki. Assemblage Ruki pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. La bonne musique en tout temps. Il est méchant, le vigile de la COP. Le vigile de la COP est méchant. Vous écoutez Assemblage Ruki jusqu'à 17h. la formation Land of Talk. Oui, avec la pièce 16 Asterisk, c'est extrait d'un nouveau EP qu'on vient juste de recevoir. C'est quatre nouvelles pièces, en fait, qui vont, j'imagine, peut-être se retrouver sur un prochain album. Ça me semble être juste un genre d'agace entre deux albums, parce qu'on retrouve aussi là-dessus trois vidéos de l'album précédent, Summer Lakes, plus quatre nouvelles pièces, dont 16 Asterisk, qu'on vient d'entendre. Ça allait très bien avec l'artiste qu'on a entendu juste avant, qui était Alice, et puis Isaac, qui est sur le palmarès anglophone de ses feux. Oui, c'est bon, ça. Un artiste qu'on a découvert mardi dernier dans la chronique Nouveauté CD. Avec Q1. Oui, d'ailleurs, on va faire la même chose demain comme à chaque semaine. On va regarder ce qui sort d'intéressant cette semaine. C'est demain à l'émission Assemblage requis. Pour garder à l'affût. On va écouter tout de suite une pièce d'un groupe qui est en spectacle ce soir à 19h au Gambrinus. C'est le lancement de leur nouvel album Dans le garage. Ils étaient en entrevue à l'émission Le Dîner de con ce midi. Oui, d'ailleurs, ça va être disponible bientôt en balado-diffusion sur lecfou.ca, l'entrevue avec les Maléchés. C'est le même endroit où vous allez pouvoir aussi retrouver la balado avec notre ami Alexandre Désilet. Exactement. Tous les deux, ensemble, sur le site web de C'est fou. Voici tout de suite les Maléchés et la pièce La Taverne d'à côté. Parce que le Gambrinus, c'est juste à côté. C'est juste à côté. C'est un peu pour ça. Ça fit, hein? Malade. Malade. Maléché. Au 89 FM, c'est à ça, là, je requis. Juste à côté de la job, y'a la taverne des Maléchés. C'est pas ben, ben propre, c'est mal éclairé. Stanley, toujours là, ben impacté. Mais nous autres, ça nous va rien. C'est pas pour ça qu'on y va. On y va, c'est parce qu'on aime ça. Gardez le cul à José. Une vieille horloge, la mosse, nous dit quand il est l'heure de farmer. Une vieille table de boule avec le tapis déchiré. Un jeu d'or inutile, prendre la poussière dans un coin. Y'a rien qui sait de ton ébain. C'est pas une place pour les faunés. Un, deux, trois. Si tu cherches la bataille, c'est ce que tu vas trouver. Les gars assis au comptoir sont pas là pour se faire achaler. Ils viennent prendre le bien après leur grosse journée. Ils l'ont bien mérité. La place commence à chauffer, gros de vient d'arriver. C'est lui qui vend de la poudre, il travaille pour t'aider. Certains seuls l'arrachent, vendraient le bain pour 25 piastres pour se poudrer le nez. C'est pour ça qu'on y va. Ben c'est bien simple, c'est parce qu'on aime ça. C'est ce soir à 20h au Gambrinus qu'il lance leur album Les Maléchés. C'était super bon, la pièce La Taverne d'à côté de leur album Dans le garage. Oui, c'est ce qui termine l'émission L'Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain, nous. Avec entre autres la chronique des mythes du rock'n'roll avec Simon Fitzbé. Ça va être très bon, il va y avoir une chronique CNX. Sinon, ben restez sur nos ondes toute la soirée. Il n'y a pas de Donne-moi le goût à 17h, mais à 18h, il y a Chérie m'écoute-tu avec Sophie Laforêt, puis c'est le Voyage insolite et les deux émissions de Simon Fitzbé, album classique et crowd-rock. Puis on termine ça en métal avec C'est au poil à 22h. Grosse soirée. Ça continue demain matin dès 7h avec la pilule du lendemain, ensuite à 11h, le dîner de con. Et nous, on se retrouve à 15h demain. Bonne soirée, Kiwan. Bye, Matt. Bye. Bonne soirée à tout le monde aussi, là. Pas juste nous autres dans la vie, là, quand même, tu sais. Hein? On se quitte avec Vanesse Pariétaire et leur chanson homonyme Vanesse Pariétaire.